Une porte s'ouvre et tu sors de ma vie. Et je prends peur chaque fois. Je deviens murmure et deviens agonie. À l'instant où tu pars, brûlé de désespoir, je meurs de toi. Et la porte claque et mon âme se perd. En des pour qui, des pourquoi. Je deviens une île, perdue sur la mer, battue par tous les vents du désarroi. Sais-tu qu'à tout moment, je meurs de toi. Je ne peux vivre sur moi-même, ne serait-ce qu'une heure ou deux. Je prends forme en tes yeux, heureux ou malheureux. Mon cœur ne vit que si tu veux. Je ne suis moi que si tu m'aimes. Et loin de toi de peur, je meurs de toi, de nous. Je meurs. Une porte s'ouvre et tu es de retour. Et quand tu m'emportes encore, je deviens faiblesse, je deviens amour. Dès que tu rentres au port de mes émois, nu et blotti très fort entre mes bras, je meurs d'amour, je meurs de toi.